Chapitre 3. Je débute mal dans le monde élégant. J'allais ce soir-là jusqu'à Carlo, où je descendis à la meilleure auberge, et lorsque mon nom me fut demandé par le maître de la maison, je donnai celui de Redmond, suivant les instructions de mon cousin, et dis que j'étais de la famille des Redmond du côté de Waterford, et en route pour le collège de la Trinité à Dublin, où j'allais faire mon éducation. Voyant ma bonne mine, mon épée à poignée d'argent et ma valise bien remplie, mon hôte se permit de m'envoyer un pot de claret sans que je l'eusse demandé, et, vous pouvez le croire, me le fit bel et bien payer dans sa note. Aucun gentilhomme, à cette bonne vieille époque, n'allait au lit sans s'être disposé au sommeil par de copieuses libations, et, ce premier jour de mon entrée dans le monde, je me fis un point d'honneur d'agir en parfait gentilhomme, et je réussis, je vous l'assure, à jouer mon rôle admirablement. L'excitation des événements de la journée, mon départ de chez nous, ma rencontre avec le capitaine Quinn suffisaient pour me troubler la cervelle, sans le claret qui servit à m'achever complètement. Je ne rêvais pas de la mort de Quinn, comme auraient peut-être fait quelques poules mouillées. Je n'ai même jamais eu de ces absurdes remords à la suite d'aucune de mes affaires d'honneur, ayant toujours considéré, dès la première, que lorsqu'un gentilhomme risque sa vie dans un mal combat, il serait stupide à lui d'être honteux d'avoir eu le dessus. Je dormis à Carlo aussi profondément qu'il est possible de dormir, pris un pot de petite bière et une rôtie à mon déjeuner, et changeai la première de mes pièces d'or, pour régler mon compte, n'oubliant pas de payer tous les domestiques, libéralement, comme doit le faire un gentilhomme. Je commençai ainsi le premier jour de ma vie, et ainsi l'ai-je continué. Personne n'a été dans de plus grands embarras que moi et n'a plus souffert de la pauvreté, mais personne ne peut dire de moi que, lorsque j'avais une guinée, je n'en disposais pas largement et que je ne la dépensais pas aussi bien qu'un lord l'aurait pu faire. Je ne doutais pas de l'avenir, pensant qu'un homme de mon apparence, de mon mérite et de mon courage pourrait faire son chemin n'importe où. D'ailleurs, j'avais 20 guinées en poche. Somme que je calculais, bien à tort, devoir me durer 4 mois au moins, et d'ici là, il m'arriverait bien quelques moyens de faire fortune. Je repartis donc, chantant tour à tour ou causant avec les passants, et toutes les filles sur la route disaient « Bonté divine, voilà un charmant gentilhomme !» Quant à Nora et à Castlebrady, entre hier et aujourd'hui, il semblait y avoir au moins une dizaine d'années d'intervalle. Je fis vœu de n'y jamais rentrer que quand je serais un personnage, et j'ai tenu ma parole, comme on le verra en temps et lieu. Il y avait plus de mouvement et de vie sur la grande route à cette époque que dans nos jours de voitures publiques qui vous emportent d'un bout du royaume à l'autre en quelques vingtaines d'heures. On allait sur des chevaux ou dans des carrosses, et on mettait 3 jours à faire un voyage qui maintenant demande 10 heures. En sorte qu'une personne qui se rendait à Dublin ne manquait pas de compagnie. Je fis une partie du trajet de Carlo à Naas avec un gentilhomme de Kilkenny bien armé, en habit vert à ganse d'or, un emplâtre sur l'œil, et montant une vigoureuse jument. Il me questionna sur les nouvelles du jour, me demanda où j'allais et si ma mère n'avait pas peur des voleurs, qu'elle laissait voyager ainsi un jeune homme de mon âge. Mais je répondis, tout en tirant un d'une fonte, que j'avais une paire de bons pistolets qui avaient déjà fait leur devoir et qui étaient prêts à le faire encore. Et là-dessus, un homme, marqué de la petite vérole étant arrivé, il éprena sa jument baie et me quitta. C'était une bête bien plus vigoureuse que la mienne, et d'ailleurs je ne voulais pas fatiguer mon cheval, désirant entrer à Dublin ce soir-là et en état décent. Comme j'allais vers Killeen, je vis une foule de paysans assemblés autour d'une chaise à un cheval, et mon ami en vert des talents, à ce qui me sembla, est déjà à 1/2 mile sur la colline. Un laquais, de toute sa voix, criait « Au voleur !» Mais les gens du pays ne faisaient que rire de sa détresse et échangeaient toutes sortes de plaisanteries sur l'aventure qui venait d'arriver. « Vraiment, vous auriez pu le tenir à distance avec votre espistole !» disait l'un d'entre eux. « Oh, le poltron! Vous laissez mater par le capitaine, lui qui n'a qu'un œil !» disait un autre. « La prochaine fois que Milady voyagera, elle fera mieux de vous laisser à la maison !» dit un troisième. « Quel est ce bruit, braves gens ? » dis-je en m'avançant au milieu d'eux, et, voyant dans la voiture une dame très pâle et effrayée, je jouai du fouet et ordonnai à ces drôles aux jambes rouges de se tenir à l'écart. « Qu'est-il arrivé, madame, de fâcheux à votre seigneurie ? » dis-je, ôtant mon chapeau et faisant avancer mon cheval en caracolant à la portière de la chaise. La dame m'expliqua la chose. Elle était la femme du capitaine Fitzsimmons et se hâtait de rejoindre son mari à Dublin. Un voleur avait arrêté sa chaise. Son grand idiot de domestique était tombé à genoux, tout armé qu'il était. Et quoiqu'il y eût dans le champ voisin une trentaine d'hommes qui travaillaient quand le brigand l'avait attaqué, pas l'un d'eux n'était venu à son secours, mais au contraire, ils avaient souhaité bonne chance au capitaine, comme ils appelaient le voleur. « Certainement, il est l'ami du pauvre, » dit un homme, « et je lui souhaitons bonne chance. »« Est-ce que c'était notre affaire ?» demanda un autre. Et un autre dit, en riant, que c'était le fameux capitaine Frény, qui, ayant gagné le jury et s'étant fait acquitter il y avait 2 jours aux assises de Kilkenny, était remonté à cheval à la porte de la prison et le lendemain même avait dévalisé 2 avocats qui se rendaient aux assises. J'enjoignis à ce tas de gredins de retourner à leur ouvrage, sans quoi ils tâteraient de ma lanière. Et je me mis à consoler de mon mieux Mistress Fitzsimmons de ses infortunes. Avait-elle beaucoup perdu ? Tout ! Sa bourse, contenant plus de 100 guinées, ses bijoux, ses tabatières, ses montres, et une paire de boucles de souliers en diamant appartenant au capitaine. Je pris sincèrement part à sa mésaventure, et la reconnaissant pour anglaise à son accent, je déplorai la division qui existait entre les 2 pays, et dis que, dans le nôtre, entendant l'Angleterre, de pareilles atrocités étaient inconnues. « Vous aussi, vous êtes anglais ? » dit-elle d'un ton de surprise, sur quoi je répondis que j'étais fière de l'être comme en effet je l'étais, et je n'ai jamais connu un vrai gentilhomme tory d'Irlande qui n'ait souhaité d'en pouvoir dire autant. J'escortai la chaise de Mistress Fitzsimmons jusqu'à Nass, et comme on lui avait volé sa bourse, je lui demandai la permission de lui prêter une couple de pièces d'or pour payer sa dépense à l'auberge, laquelle somme elle daigna gracieusement accepter, et elle fut en même temps assez bonne pour m'inviter à partager son dîner. Aux questions de la dame sur ma naissance et ma parenté, je répondis que j'étais un jeune gentilhomme de grande fortune. Ce n'était pas vrai, mais à quoi sert de crier mauvais poison ? Ma chère mère m'avait enseigné de bonne heure cette sorte de prudence, et de bonne famille, du comté de Waterford, que j'allais à Dublin pour mes études, et que ma mère m'allouait 500 livres par an. Mistress Fitzsimmons fut également communicative. Elle était fille du général Granby Somerset, du Worcestershire, dont, naturellement, j'avais entendu parler, et quoique cela ne fût pas, naturellement, j'étais trop bien élevée pour le dire, et elle confessa que, pour se marier, elle s'était faite enlever par l'enseigne Fitzgerald Fitzsimmons. Avais-je déjà été dans le Donegal ? Non ? C'était dommage. Le père du capitaine y possède 100 000 acres de terre, et le château de Fitzgimmonsburg est le plus beau manoir d'Irlande. Le capitaine Fitzsimmons est le fils aîné, et quoique brouillé avec son père, il doit hériter de cette vaste propriété. Elle se mit à me parler ensuite des bals de Dublin, des banquets du château, des courses de chevaux du Phénix, des ridottos et des raouts, si bien que je fus pris d'une grande envie de goûter ses plaisirs. Et mon seul regret était de penser que ma position me rendrait la réclusion nécessaire et m'empêcherait d'être présentée à la cour dont Miss Fitzsimmons était le plus bel ornement. Quelle différence de son babil animé avec celui des filles vulgaires des assemblées de Kilwagan ! À chaque phrase, elle citait un lord ou une personne de qualité. Évidemment, elle parlait le français et l'italien. Quant à la première de ces 2 langues, j'ai dit que j'en connaissais quelques mots. Et quant à son accent anglais, peut-être n'en étais-je pas juge, car, pour dire la vérité, elle était la première personne réellement anglaise que j'eusse jamais rencontrée. Elle me recommanda, après cela, d'être très circonspecte relativement à la compagnie que je verrais à Dublin, qui abondait en coquins et en aventuriers de tout pays. Et on peut s'imaginer ma joie et ma reconnaissance envers elle lorsque, notre entretien étant devenu plus intime, nous étions alors au dessert. Elle voulut bien m'offrir de loger chez elle, où son Fitzsimmons, dit-elle, serait heureux d'accueillir son jeune et vaillant sauveur. « Vraiment, madame, dis-je, je ne vous ai sauvé de rien. » Ce qui était parfaitement vrai, car n'étais-je pas arrivé trop tard après le vol pour empêcher le bandit d'emporter son argent et ses perles ? Et ma foi, madame, c'était pas grand-chose, dit maladroitement Sullivan, le domestique qui avait été effrayé à l'approche de Frénie et qui nous servait à dîner. Ne vous a-t-il pas rendu les 13 pence en cuivre de la montre en disant que ce n'était que du chrysocale ? Mais sa maîtresse le traita d'impertinent drôle et le renvoya aussitôt de la chambre, me disant, lorsqu'il fut parti, que le sot ne savait pas la valeur d'un billet de 100 livres qui était dans le portefeuille que Frénie lui avait pris. Peut-être, si j'avais eu un peu plus d'expérience du monde, j'aurais commencé à voir que Madame Fitzsimmons n'était pas la personne de qualité qu'elle prétendait être. Mais enfin, je pris toutes ces histoires pour des vérités, et quand l'hôte apporta la note du dîner, je le payai d'un air de grand seigneur. Du reste, elle ne fit aucunement mine de tirer de sa poche les 2 pièces que je lui avais prêtées. Et, là-dessus, nous nous mîmes en route, lentement, pour Dublin, où nous fîmes notre entrée au tombé de la nuit. Le bruit et la splendeur des carrosses, l'éclat des torches, le nombre et la magnificence des maisons me frappèrent de l'admiration la plus vive. Quoique j'eusse soin de déguiser ce sentiment, conformément aux instructions de ma mère, qui me dit que c'était la marque d'un homme de qualité, de ne s'émerveiller de rien, de ne jamais admettre qu'aucun équipage, maison ou compagnie qu'il pût voir fût plus splendide ou plus distingué que ce dont il avait l'habitude chez lui. Nous nous arrêtâmes enfin à une maison de piètre apparence et fûmes introduits dans un passage beaucoup moins propre que celui de Barryville, où l'on sentait une forte odeur de souper et de punch. Un gros homme à face rouge, sans perruque et en robe de chambre et bonnet en loques, sortit du parloir et embrassa sa femme, car c'était le capitaine Fitzsimmons, avec beaucoup de cordialité. Le fait est que, lorsqu'il vit qu'elle était accompagnée d'un étranger, il l'embrassa avec plus de transport qu'auparavant. En me présentant, elle persista à dire que j'étais son sauveur et fit l'éloge de ma bravoure comme si j'eusse tué Frénie au lieu d'arriver quand le vol était consommé. Le capitaine dit connaître intimement les Redmond de Waterford, assertion qui m'alarma car je ne savais rien de la famille à laquelle j'avais déclaré appartenir. Mais je l'embrassai en lui demandant lequel des Redmond il connaissait car je n'avais jamais entendu prononcer son nom dans notre famille. Il répondit qu'il connaissait les Redmond de Redmondstown. « Oh, dis-je, les miens sont les Redmond de Castle Redmond. » Et ainsi je lui fis perdre la piste. J'allais mettre mon cheval en pension dans une écurie tout près de là, où étaient le cheval et la chaise du capitaine, et je revins trouver mon hôte. Quoiqu'il y eût un reste de côtelettes de mouton aux oignons sur un plat ébréché devant lui, le capitaine dit « Mon amour, je voudrais avoir su votre arrivée, car Bob Moriarty et moi, nous venons justement de finir le plus délicieux pâté de venaison que sa grâce, le Lord Lieutenant, nous a envoyé, avec un flacon de Sillery de sa propre cave. Vous connaissez ce vin, ma chère? Mais comme ce qui est fait et sans remède, que dites-vous d'un beau homard et d'une bouteille d'aussi bon claret qu'il y en est en Irlande? Betty, débarrassez la table de ceci et veillez à bien recevoir votre maîtresse et notre jeune ami. » N'ayant pas de monnaie, M. Fitzsimmons me demanda de lui prêter 20 sous pour acheter un plat de homard. Mais sa femme, tirant une des guinées que je lui avais donnée, dit à la fille de changer cela et de se procurer à souper, ce qu'elle fit prestement, ne rapportant à sa maîtresse que très peu de shillings sur la guinée, attendu que le marchand de poissons avait gardé le reste pour un vieux compte. « Et vous n'en êtes qu'une plus grosse bête de lui avoir donné la pièce d'or !» cria M. Fitzsimmons. « J'oublie combien de centaines de guinées il dit avoir payé à ce drôle dans le cours de l'année. » Notre souper fut assaisonné, sinon par une grande élégance, du moins par une foule d'anecdotes sur les plus hauts personnages de la ville, avec lesquels, à l'en croire, le capitaine vivait sur le pied de la plus grande intimité. Pour ne pas rester en arrière, je parlais de mes terres et de ma fortune, comme si j'étais aussi riche qu'un duc. Je lui racontai tout ce que je savais d'histoire sur la noblesse par ma mère et quelques autres encore que peut-être j'avais inventées. Et j'aurais dû m'apercevoir que mon hôte était lui-même un imposteur, puisqu'il ne découvrait pas mes bévues et mes inexactitudes. Mais la jeunesse est toujours trop confiante. Je fus quelque temps avant de reconnaître que je n'avais pas une très désirable connaissance en la personne du capitaine Fitzsimmons et de sa femme. Et même j'allais me coucher en me félicitant de ma merveilleuse chance d'être tombée au début de mes aventures sur un couple si distingué. L'aspect de la chambre que j'occupais aurait bien pu me faire imaginer que l'héritier du château de Fitzgimmonsburg, comté de Donegal, n'était pas encore réconcilié avec ses riches parents. Et, si j'avais été anglais, il est probable que mes soupçons et ma méfiance se seraient éveillés immédiatement. Mais, comme le lecteur le sait peut-être, nous ne sommes pas si difficiles en Irlande qu'on l'est dans ce pays formaliste. Le désordre de ma chambre à coucher ne me frappa donc pas tant, car les fenêtres n'étaient-elles pas toutes brisées et bourrées de chiffons à Castlebrady même, ce superbe manoir de mon oncle? S'y trouvait-il une serrure aux portes ou un bouton à la serrure ou un crochet pour les attacher? Aussi, quoique ma chambre à coucher présentât ses inconvénients et quelques autres encore, quoique ma courte pointe fût évidemment une robe de brocart toute graissée de Mistress Fitzgimmons et que mon miroir cassé ne fût pas plus grand qu'une demi-couronne, cependant j'étais accoutumée à ces sortes de choses dans les maisons irlandaises et je me croyais toujours dans celle d'un homme de qualité. Il n'y avait pas de serrure au tiroir qui, lorsqu'il s'ouvrait, était plein de pots de rouge, des souliers, des corsets et des chiffons de mon hôtesse, en sorte que je laissais ma garde-robe dans ma valise. Mais j'étalais mes objets de toilette en argent sur la nappe en lambeaux qui couvrait la commode, où ils avaient une mine admirable. Quand Sullivan parut le lendemain, je lui demandai des nouvelles de ma jument, qu'il m'assura être en bonne santé. Je lui dis alors, d'un ton digne, de m'apporter de l'eau chaude pour ma barbe. « De l'eau chaude ? Pour votre barbe ? » dit-il en éclatant de rire, et, je l'avoue non sans raison, « Est-ce vous que vous allez raser ? » dit-il. « Et peut-être bien qu'en vous apportant l'eau, je dois vous apporter aussi le chat, et que c'est lui que vous raserez ?» Je lançai une botte à la tête du drôle en réponse à son impertinence, et je fus bientôt au parloir où mes amis m'attendaient pour déjeuner. J'eus un accueil cordial et la même nappe qui avait servi la veille, comme je le reconnus à la marque noire qu'avait laissée le plat de côtelettes et à la tache faite par le pot de portée. Mon hôte me fit beaucoup d'amitié. Mistress Fitzsimmons me dit que je figurerais merveilleusement au parc du Phénix, et vraiment, sans vanité, je puis dire de moi-même qu'il y avait à Dublin des gens de moins bonne mine. Je n'avais pas la puissante poitrine et les proportions musculaires que j'ai eues depuis, pour les échanger, hélas, contre des jambes goûteuses et de la craie dans mes doigts, mais ainsi va le monde. Toutefois, j'étais presque arrivée à mes 5 pieds 6 pouces actuels, et avec mes cheveux en boucle, un jabot et des manchettes de belles dentelles à ma chemise et une veste de peluche rouge à raies d'or, j'avais l'air du gentilhomme que j'étais. Je portais mon habit noisette à boutons de métal qui était devenu trop petit pour moi et je tombais tout à fait d'accord avec le capitaine Fitzsimmons que je devais rendre visite à son tailleur afin de m'en procurer un qui alla mieux à ma taille. « Je n'ai pas besoin de vous demander si vous avez eu un bon lit, » dit-il. « Le jeune Fred Pipleton, le second fils de Lord Pipleton, y a couché les 7 mois qu'il m'a fait l'honneur de demeurer avec moi, et s'il a été satisfait, je ne sais pas qui pourrait ne pas l'être. » Après le déjeuner, nous sortîmes pour voir la ville, et M. Fitzsimmons me présenta à plusieurs de ses connaissances que nous rencontrâmes comme son ami particulier, M. Redmond, du comté de Waterford. Il me présenta aussi à son chapelier et à son tailleur, comme un gentilhomme qui avait une fortune considérable et de grandes espérances. Et quoique j'eusse dit à ce dernier que je ne lui payerais pas comptant plus d'un habit, lequel m'allait à la perfection, il insista pour m'en faire plusieurs, que je n'aimais point à refuser. Le capitaine aussi, qui certainement avait besoin de renouveler sa garde-robe, dit au tailleur de lui envoyer un bel habit d'uniforme qu'il avait choisi. Alors nous allâmes retrouver au logis Mistress Fitzsimmons, qui alla dans sa chaise à Phoenix Park, où on passait une revue, et où elle fut entourée d'une foule de jeunes gentilshommes auxquels elle me présenta comme son sauveur. Elle s'exprimait sur mon compte dans des termes si flatteurs qu'avant une demi-heure, j'en étais venue à me considérer comme un jeune homme de la plus grande famille du pays, apparenté à toute la principale noblesse, cousin du capitaine Fitzsimmons, héritier de 10 000 livres sterling de rente. Fitzsimmons dit avoir parcouru à cheval mon domaine d'un bout à l'autre, et, ma foi, Comme il lui avait plu de faire ses histoires pour moi, je le laissais faire. Et même, je n'étais pas médiocrement satisfait, comme le sont les jeunes gens, de l'importance qu'on me donnait et de passer pour un grand personnage. Je ne soupçonnais guère alors que j'étais au milieu d'un tas d'imposteurs, que le capitaine Fitzsimmons n'était qu'un aventurier et sa femme fort peu de choses. Mais tels sont les dangers auxquels la jeunesse est perpétuellement exposée, et que les jeunes gens prennent leçon de moi. Je passe rapidement, à dessein, sur le récit de cette partie de ma vie où les incidents sont pénibles, sans grand intérêt, excepté pour votre infortuné serviteur, et où mes compagnons n'étaient assurément pas d'une espèce qui convainc à ma qualité. Le fait est qu'un jeune homme pouvait difficilement tomber dans des mains pires que celles où je me trouvais. J'ai été depuis dans le Donegal, et je n'ai jamais vu le fameux château de Fitzsimmonsburg, qui est également inconnu aux plus anciens habitants de ce comté, et les Granby Somerset ne sont guère mieux connus dans le Hampshire. Le couple aux mains de qui j'étais tombée était une espèce beaucoup plus commune qu'elle ne l'est aujourd'hui, car les guerres considérables des derniers temps ont rendu fort difficile aux laquais et aux parasites des grands seigneurs de se procurer des commissions. Et telle avait été, par le fait, dans le principe, la condition du capitaine Fitzsimmons. Si j'eusse connu son origine, comme de raison, je serais plutôt mort que de frayer avec lui. Mais, dans la simplicité de ma jeunesse, je pris ses histoires pour argent comptant et me regardais comme trop heureux d'être, à mon début dans la vie, introduit dans une telle famille. Hélas, nous sommes le jouet de la destinée. Quand je considère quelles petites circonstances ont décidé tous les grands événements de ma vie, j'ai peine à croire que j'étais autre chose qu'un pantin aux mains du sort qui m'a joué les tours les plus fantasques. Le capitaine avait été valet de chambre, et sa femme n'était pas d'un rang plus élevé. La société que voyait ce digne couple, il la voyait à une espèce de table d'hôte qu'il tenait, et où ses amis étaient toujours les bienvenus en payant pour leur dîner une certaine somme assez modeste. Après le dîner, vous pouvez être sûr que les cartes ne manquaient pas et que la compagnie qui jouait là ne jouait pas simplement pour l'honneur. Des gens de toutes sortes venaient à ces soirées. De jeunes élégants des régiments de garnison à Dublin, de jeunes commis du château, des hommes à la mode, grands monteurs de chevaux, grands videurs de flacons, grands rosseurs de watchmen, tels qu'il en existait alors à Dublin plus qu'en aucune autre ville d'Europe à ma connaissance. Je n'ai jamais vu de jeunes gens faire une telle figure et avec si peu de moyens. Je n'ai jamais vu de jeunes gens pousser à tel point ce que je puis appeler le génie de l'oisiveté. Et tandis qu'un Anglais, avec 50 guinées par an, n'est guère capable que de crever de faim et de travailler comme un esclave à une profession, un jeune mirliflore irlandais, avec la même somme, aura ses chevaux, boira sa bouteille de vin et vivra aussi paresseux qu'un lord. Il y avait là un docteur qui n'avait jamais eu un malade, côte à côte avec un procureur qui n'avait jamais eu un client. Pas un d'eux n'avait une guinée. Chacun d'eux avait un bon cheval à monter dans le parc et les meilleurs habits sur le dos. Un ecclésiastique sans bénéfice, grand amateur de sport, plusieurs jeunes négociants en vin qui consommaient plus de liquide qu'ils n'en avaient ou n'en vendaient, et des gens du même acabit formaient la société de la maison où ma mauvaise étoile m'avait jeté. D'une telle compagnie pouvait-il arriver autre chose que des malheurs? Je n'ai pas parlé des femmes qui ne valaient peut-être pas mieux que les hommes. En peu de temps, très peu de temps, je devins leur proie. Quant à mes 20 pauvres guinées, au bout de 3 jours, je vis, à mon grand effroi, qu'elles étaient réduites à 8. Les théâtres et les tavernes avaient déjà fait de si cruels ravages dans ma bourse. J'avais perdu au jeu, il est vrai, une couple de pièces. Mais voyant que chacun autour de moi jouait sur l'honneur et faisait des billets, comme de raison, j'aimais mieux cela que de donner de l'argent comptant, et quand je perdais, je payais de cette manière. Avec les tailleurs, celliers et autres, j'employais le même moyen, et en cela du moins, l'idée qu'avait donnée de moi M. Fitzsimmons me fit du bien, car les marchands le crurent sur parole au sujet de ma fortune. J'ai su depuis que le gredin plumait plusieurs autres jeunes gens riches, et pour un peu de temps, ils me fournirent tout ce qu'il me plaisait de leur commander. À la fin, mes fonds étant très bas, je fus forcé de mettre en gage quelques-uns des habits que le tailleur m'avait faits, car je n'aimais pas à me défaire de ma jument sur laquelle j'allais chaque jour au parc et à laquelle je tenais comme ayant été donnée par mon cher oncle. Je me procurais aussi un peu d'argent à l'aide de quelques bijoux que j'avais achetés d'un joaillier qui avait voulu à toute force me faire crédit, et je pus encore, ainsi pour quelque temps, sauver les apparences. Je demandais souvent à la poste des lettres pour M. Redmond, mais il n'y en avait point, et, ma foi, je me sentais toujours plutôt soulagée quand on me répondait que non, car je n'étais pas très désireux que ma mère apprît la vie extravagante que je menais à Dublin. Cette vie ne pouvait pas durer longtemps, toutefois, car lorsque ma bourse fut tout à fait épuisée et que je rendis une seconde visite au tailleur pour lui demander de me faire d'autres habits, le drôle grommela, s'étonna et eut l'impudence de me demander le paiement de ceux qu'il m'avait déjà fournis. Sur quoi, lui disant que je lui retirais ma pratique, je le quittai brusquement. Le joaillier aussi, un gueux de juif, refusa de me laisser emporter une chaîne d'or dont j'avais fantaisie. Et je me trouvais, pour la première fois, dans un certain embarras. Pour surcroît d'ennui, un des jeunes gentilshommes qui fréquentait la pension de M. Fitzsimmons avait reçu de moi, au jeu, un billet de 18 livres qu'il m'avait gagné au piquet, et il l'avait donné en paiement à M. Kirbin, l'homme qui gardait nos chevaux en pension. Figurez-vous ma fureur et mon étonnement lorsqu'en allant chercher ma jument, il refusa positivement de la laisser sortir de l'écurie avant que j'eusse fait honneur à ma signature. C'est en vain que je lui offris le choix entre 4 billets que j'avais dans ma poche, un des Fitzsimmons pour 20 livres, un du conseiller Mulligan, etc. Notre homme, qui était du Yorkshire, secoua la tête, rit à chacun d'eux et dit « Écoutez bien, monsieur Redmond. Vous paraissez un jeune homme de naissance et de fortune, et laissez-moi vous dire à l'oreille que vous êtes tombé dans de très mauvaises mains. C'est une véritable bande d'escrocs, et un gentilhomme de votre rang et de votre qualité ne devrait jamais être vu en pareille compagnie. Rentrez faire votre valise, payez la petite bagatelle que vous me devez, montez sur votre jument et retournez chez vos parents. C'est le mieux que vous puissiez faire. » Effectivement, j'étais plongé dans un joli repère. On eût dit que toutes les infortunes allaient m'accabler à la fois, car comme je rentrais et montais à ma chambre dans un état de désolation, j'y trouvais le capitaine et sa femme, ma valise ouverte, ma garde-robe gisant sur le plancher et mes clés en la possession des odieux Fitzsimmons. « Qui ai-je abrité sous mon toit ? » cria-t-il comme j'entrais. « Qui êtes-vous, drôle ?»« Drôle, monsieur, dis-je. Je suis aussi bon gentilhomme que personne en Irlande. » « Vous êtes un imposteur, jeune homme, un intrigant, un fourbe !» reprit le capitaine. « Répétez ce que vous venez de dire, et je vous passe mon épée au travers du corps, » répliquai-je. « Tata, je suis aussi fort à l'escrime que vous, monsieur Redmond Barry !»« Ah, vous changez de couleur. Votre secret est connu, pas vrai ? Vous vous introduisez comme une vipère au sein d'innocentes familles. Vous vous annoncez comme l'héritier de mes amis, les Redmond de Castle Redmond. Je vous présente à tout ce que nous avons de mieux dans la métropole. Je vous mène chez mes fournisseurs qui vous font crédit. Et qu'est-ce que je découvre ? Que vous avez mis en gage les objets que vous avez pris chez eux ? Je leur ai fait des billets, monsieur, dis-je d'un air digne. Sous quel nom, malheureux enfant, sous quel nom ? Cria Mistress Fitzsimmons. Et alors, en effet, je me rappelais que j'avais signé Barry Redmond au lieu de Redmond Barry. Mais pouvais-je faire autrement ? Ma mère ne m'avait-elle pas recommandé de ne prendre aucune autre désignation ? Après une furieuse tirade contre moi, dans laquelle il parla de la fatale découverte de mon nom sur mon linge, de sa confiance et de son affection si mal placée, et de la honte qu'il aurait à rencontrer ses fashionable amis et à confesser qu'il avait accueilli un escroc, il ramassa mon linge, mes objets de toilette en argent et le reste de mes effets, disant qu'il allait de ce pas chercher un officier de police et me livrer à la juste vengeance des lois. Durant la première partie de son discours, la pensée de l'imprudence que j'avais commise et de la position où je me trouvais m'avait tellement abasourdi que je n'avais rien répondu aux injures de ce drôle et étais restée tout à fait muet devant lui. Le sentiment du danger, toutefois, me rappela à moi-même. « Écoutez bien, monsieur Fitzsimmons, dis-je, je vais vous dire pourquoi j'ai été obligée de changer mon nom qui était effectivement Barry et le meilleur nom d'Irlande. Je l'ai changé, monsieur, parce que, la veille de mon arrivée à Dublin, j'avais tué un homme dans un duel à mort, un Anglais, monsieur, un capitaine au service de Sa Majesté. Et si vous faites mine le moins du monde de me retenir, ce même bras qui l'a tué est prêt à vous punir. Et par le ciel, monsieur, l'un de nous deux ne sortira pas vivant de cette chambre. » À ces mots, je tirai mon épée comme l'éclair, et poussant un « Ha! Ha !» et frappant du pied, je me fendis à un pouce du cœur de Fitzsimon, qui recula, pâle comme la mort, tandis que sa femme, avec un cri, se jetait entre nous. « Cher Redmond, dit-elle, apaisez-vous, Fitzsimmons, vous ne voulez pas verser le sang de ce pauvre enfant. Laissez-le partir, au nom du ciel, laissez-le partir !»« Il peut aller se faire pendre ailleurs, dit Fitzsimmons d'un ton bourru, et il fera bien de partir au plus vite, car le joaillier et le tailleur sont déjà venus et ils seront ici avant peu. C'est Moïse, le prêteur sur gage, qui l'a dénoncé, c'est de lui que je tiens moi-même la nouvelle. » D'où je conclus que M. Fitzsimmons avait été lui porter l'uniforme qu'il s'était procuré chez le tailleur le jour où ce dernier m'avait fait pour la première fois crédit. À quoi aboutissait notre conversation? Où trouver asile pour le descendant des Barry? Notre maison m'était fermée par ce malheureux duel. J'étais expulsé de Dublin par une persécution dont je devais, j'en conviens, accuser ma propre imprudence. Je n'avais pas de temps à perdre pour me décider. Pas de lieu où me réfugier. Fitzsimmons, après m'avoir traité comme on l'a vu, avait quitté la chambre en grommelant, mais sans hostilité. Sa femme avait insisté pour nous faire donner la main et pour qu'il promît de ne pas me tourmenter. Le fait est que je ne devais rien à cet homme. Au contraire, j'avais en poche un billet de lui pour argent perdu au jeu. Quant à son amie, Mistress Fitzsimmons, elle s'assit sur le lit et éclata en sanglots, bel et bien. Elle avait ses défauts, mais le cœur était bon. Et quoiqu'elle n'eût au monde que 3 shillings en argent et 4 pence en cuivre, la pauvre âme me fit les prendre avant de la quitter. Pour aller où? Mon parti était arrêté. Il y avait une 20aine de compagnies de recrutement dans la ville qui racolaient des hommes pour rejoindre nos vaillantes armées d'Amérique ou d'Allemagne. Je savais où en trouver une, m'étant trouvée à côté du sergent à une revue du parc du Phénix, où il m'avait indiqué les personnages intéressants à connaître, en reconnaissance de quoi je lui avais payé à boire. Je donnai un de mes shillings à Sullivan, le maître d'hôtel des Fitzsimmons, et, gagnant précipitamment la rue, je courus à une petite taverne où logeait ma connaissance, et avant 10 minutes, j'avais accepté le shilling de Sa Majesté. Je lui racontai franchement que j'étais un jeune gentilhomme dans l'embarras, que j'avais tué un officier en duel, et que j'étais pressé de sortir du pays. Mais j'aurais pu ne pas me mettre en frais d'explication. Le roi Georges avait trop besoin d'hommes pour s'informer d'où il venait, et un gaillard de ma taille, dit le sergent, était toujours le bienvenu. « Vraiment, je ne pouvais pas, dit-il, mieux choisir mon temps. » Un bâtiment de transport était à l'ancre à Dunleary, attendant un vent favorable, et à bord de ce vaisseau, où je me rendis le soir même, je fis des découvertes surprenantes qui seront rapportées dans le prochain chapitre.